2. Votre point de départ est bon. En effet, l'homme ne connaît point les substances. Il ne connaît ni l'esprit ni le corps. Il n'aperçoit que ses états intérieurs, tout passagers et isolés. Il s'en sert pour affirmer et désigner des états extérieurs, position, mouvement, changement, et ne s'en sert pas pour autre chose. Il n'atteint que des faits, soit au-dedans, soit au-dehors, tantôt caduque, quand son impression ne se répète pas, tantôt permanent, quand son impression, maintes fois répétée, lui fait supposer qu'elle sera répétée toutes les fois qu'il voudra l'avoir. Il ne saisit que des couleurs, des sons, des résistances, des mouvements, tantôt momentanés et variables, tantôt semblables à eux-mêmes et renouvelés. Il ne suppose des qualités et propriétés que par un artifice de langage, et pour grouper plus commodément des faits. Nous allons même plus loin que vous. Nous pensons qu'il n'y a ni esprit ni corps, mais simplement des groupes de mouvements présents ou possibles, et des groupes de pensées présentes ou possibles. Nous croyons qu'il n'y a point de substance, mais seulement des systèmes de faits. Nous regardons l'idée de substance comme une illusion psychologique. Nous considérons la substance, la force et tous les êtres métaphysiques des modernes comme un reste des entités scolastiques. Nous pensons qu'il n'y a rien au monde que des faits et des lois, c'est-à-dire des événements et leurs rapports. Et nous reconnaissons, comme vous, que toute connaissance consiste d'abord à lier ou à additionner des faits. Mais cela terminé, une nouvelle opération commence, la plus féconde de toutes, et qui consiste à décomposer ces données complexes en données simples. Une faculté magnifique apparaît, source du langage, interprète de la nature, mère des religions et des philosophies, seule distinction véritable, qui selon ce degré sépare l'homme de la brute, et les grands hommes des petits. Je veux dire l'abstraction, qui est le pouvoir d'isoler les éléments des faits et de les considérer à part. Mes yeux suivent le contour d'un carré, et l'abstraction en isole les deux propriétés constitutives, l'égalité des côtés et des angles. Mes doigts touchent la surface d'un cylindre, et l'abstraction en isole les deux éléments générateurs, la notion de rectangle et la révolution de ce rectangle, autour d'un de ses côtés pris comme axe. 100 000 expériences me développent par une infinité de détails, la série des opérations physiologiques qui font la vie, et l'abstraction isole la direction de cette série, qui est un circuit de déperdition constante et de réparation continue. 1200 pages m'ont exposé le jugement de Mill sur les diverses parties de la science, et l'abstraction isole son idée fondamentale, à savoir que les seules propositions fructueuses sont celles qui joignent un fait à un fait, non contenues dans le premier. Partout ailleurs, il en est de même. Toujours un fait ou une série de faits peut être résolu en ses composants. C'est cette décomposition que l'on réclame lorsqu'on demande quelle est la nature d'un objet. Ce sont ces composants que l'on cherche lorsque l'on veut pénétrer dans l'intérieur d'un être. Ce sont eux que l'on désigne sous les noms de force, cause, loi, essence, propriété primitive. Ils ne sont pas un nouveau fait ajouté au premier. Ils en sont une portion, un extrait. Ils sont contenus en eux. Ils ne sont autre chose que les faits eux-mêmes. On ne passe pas, en les découvrant d'une donnée à une donnée différente, mais de la même à la même, du tout à la partie, du composé au composant. On ne fait que voir la même chose sous deux formes, d'abord entière, puis divisée. On ne fait que traduire la même idée d'un langage en un autre, du langage sensible en langage abstrait, comme on traduit une courbe en une équation, comme on exprime un cube par une fonction de son côté. Que cette traduction soit difficile ou non, peu importe. Qu'il faille souvent l'accumulation ou la comparaison d'un nombre énorme de faits pour y atteindre et que maintes fois notre esprit succombe avant d'y arriver, peu importe encore. Toujours est-il que dans cette opération, qui est évidemment fructueuse, au lieu d'aller d'un fait à un autre fait, on va du même au même. Au lieu d'ajouter une expérience à une expérience, on met à part quelques portions de la première. Au lieu d'avancer, on s'arrête pour creuser en place. Il y a donc des jugements qui sont instructifs, et qui cependant ne sont pas des expériences. Il y a donc des propositions qui concernent l'essence, et qui cependant ne sont pas verbales. Il y a donc une opération différente de l'expérience, qui agit par retranchement au lieu d'agir par addition, qui au lieu d'acquérir s'applique aux données acquises, et qui par-delà l'observation, ouvrant aux sciences une carrière nouvelle, définit leur nature, détermine leur marche, complète leurs ressources et marque leur but. Voilà la grande omission du système. L'abstraction y est laissée sur l'arrière-plan, à peine mentionnée, recouverte par les autres opérations de l'esprit, traité comme un appendice des expériences, nous n'avons qu'à la rétablir dans la théorie générale pour reformer les théories particulières où elle a manqué.